baguette, vous calculez. Tous les jours se lever maquillé, habillé pour venir se couper. C'est normal à dormir pour rêver, vous baguette, vous calculez. Tous les jours se lever maquillé, habillé pour venir se couper. La même. Jazz a senti bon, il sentit bon, bon. Pour mon diable, là, yeah. Jazz a senti bon, il sentit bon, la bon. La vie pour mon nouvel lieu. Jazz a senti bon, il sentit bon, bon. Pour mon diable, là, yeah. Pistache, brillez dans chaudière, Monena la ye Passe nan moule Sabay mamba Pompa mamba, pompa mamba Like it,